Alors, je vais prendre un cache, s'il te plaît. Un mot croisé, à 5. Un mot d'or. Et un black en solitaire. Je dois faire le voilà. C'est bien, tu comptes bien. Je compte bien. Voilà, merci. Merci. Allez, 10. Ah bon, oui, c'est 2,50€ par grille, 4 grilles, 10 euros. Ah, il y en a 4 grilles sur celui-là. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre une noisette après, quand ouais. J'aurai fini. 1,10€. Alors, bon appétit. Au revoir, merci. Merci. Salut. Au revoir. Bon, bon appétit, Nadine. Et merci. As-tu vu notre midi? Bon appétit. Et merci. As-tu vu notre midi? Bonjour. Bonjour. Un café au lait? Oui. Et un double espresso. Ok. Thank you. C'est Aaron. I will bring it. I will bring it outside. Je vais la porter dehors. Et pas you. Et tu enlèves le you. I will bring it. Bring. Bring. B-R-I-N-G. I will bring it outside. Non, il a dit, je vous la mets. C'est you. Là, ça fait trop à dire. Tu ne dis pas ça en français. Je vous la donne dehors. Bring. Si je vous la mets, I will bring it. I will bring it. Mais pas bring you. Bon, je l'amène, gars. C'est comme la télé, il n'y a plus rien pour la télé. Ah ouais, oui. Deux émissions de télé-réalité. Veux-tu vendre ton appartement? Veux-tu vendre ton... Ouais. Regarde comment on s'occupe bien de son chien au zoo. Bon, alors qu'est-ce que tu veux offrir à ton cher et tendre pour sa fête? Non, rien, je n'écoute pas. Une fessée? Même pas. Deux fessées? Un petit apéro ce soir? Même pas, il ne voit pas. Ah, juste des cacahuètes et puis. Il ne voit plus. L'eau est. Et quand il voit, il voit, mais sinon, il voit. Avant, il buvait l'apéro. Non, mais. Il a fait de la goutte, alors il fait attention. Ah oui, ça c'est chiant, c'est vrai. Oui. Mais sans parler de boire quelque oui, chose de sucré ou d'alcoolisé, une eau gazeuse, c'est boire un coup. Bon, qu'est-ce qu'on a mangé, nous, dimanche midi? Ah, dimanche midi, on a mangé les côtes de cochon cul noir. Dimanche soir, au sortir du cinéma Esther, on était sur un petit resto à côté manger du canard. Avec des frites. Et hier midi, j'ai été rejoindre ma chérie en face de l'hôpital, j'ai mangé une passe-côte avec des frites. Et le samedi midi, on avait mangé du cœur de filet de bœuf à côté. Mais le samedi, ils font pas la formule de la semaine. La semaine, t'as une formule à 16 balles, t'as une boisson, une entrée, un plat et un café. Mais c'est copieux. Mais c'est copieux et l'entrée est bien et le plat est très copieux. I will bring it outside. Oh, ça va? J'ai souvenir que d'une entrée sur les deux que j'ai mangé. J'ai une salade d'avocat qui était très bonne. Et après les deux plats, j'avais mangé une brochette de cochon du coin. À part le cannabis, il n'y a que ça. Cannabis ou règlement de compte à la fin. Il n'y a que de temps en temps où tu as un truc un peu rigolo. Le gamin qui conduit à 7 ans, c'est pas mal. Merci. Putain, je suis content depuis que j'ai fait prévision de ma voiture, je consomme. Plus trop. J'ai fait faire le coup de la femme à je vais la porter de nouveau.